On l'a appelé le docteur Lamort, un vrai meurtrier et hélas un vrai médecin. Un émule à la sud-africaine du trop sinistre docteur Mengele, le médecin nazi du camp d'extermination d'Auschwitz, qui a procédé à de nombreuses expériences sur des détenus. Wouter Basson, tel est son nom, médecin militaire avec le grade de général, s'est expliqué peu ou prou lors de son interminable procès. Cet ardent partisan de l'apartheid a en effet déclaré cyniquement « Je voulais trouver des solutions médicales aux problèmes politiques ». Nous allons y revenir avec M. X qui a décortiqué cet incroyable dossier, incroyable étant donné les charges qui pèsent sur Basson. Incroyable aussi car, contre toute attente et malgré ses nombreux crimes, ce médecin a été acquitté, réintégré dans l'armée sud-africaine et exerce toujours son métier dans son pays. Exactement comme si la somme de secrets dont il est porteur avait effrayé ses juges ou au contraire suscité la convoitise de certains. Un dernier mot avant d'écouter M. X, les coupables activités de Wouter Basson étaient non seulement connues de plusieurs services de renseignement occidentaux, mais elles ont bénéficié de nombreuses aides tant en Occident qu'au Proche-Orient. Mandela, nyonyo khekhna nyu Soweto, Vigo. Mandela, nyonyo khekhna nyu Soweto, Vigo. Mandela, nyonyo khekhna nyu Soweto, Vigo. Mandela, nyonyo khekhna nyu Soweto. Ah, nye yangi daro, nyo khekh Soweto. Sti Vigo bom nenko, bano pinan. Davaharu Wasoweto Kuwati Tilide Yobule Kasora Pete Wasoweto Kuwati Tilide Yobule Kasora Pete Ah Dulen Faisen Ligue Hana Aidoro Tekubanya Ligue Bomoy Tuul Tefe Kalaja Tire momule Miriam Akebaga Giricho ono Agiu masakela Dollar brand Fofu jam amufa Yo yo mama yo Nyanga ide ak xif nit nyanga ide ak marug nan maral gi am ci all bi yo ngi melni mo fa am Soweto Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Il n'y a pas si longtemps, nous avons longuement évoqué les fameuses ADM, les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Des armes qu'il a utilisées contre l'armée iranienne, mais aussi contre son propre peuple. Oui, mais m'avez-vous dit, il les a détruites avant la Deuxième Guerre du Golfe. C'est exact. Eh bien, il est avéré que le docteur Basson a séjourné à plusieurs reprises en Irak et qu'il y a rencontré les spécialistes de ces ADM, tant chimiques que biologiques d'ailleurs. Le médecin sud-africain connaissait donc parfaitement les programmes irakiens. Oui, mais a-t-il donné pour autant un coup de main à ces spécialistes ? Oh, c'est tout à fait possible. Mais il a sans doute aussi fourni de précieuses informations aux services de renseignement occidentaux où il comptait de nombreux amis. Alors il mangeait à tous les râteliers, c'est bien. Croyez pas si bien dire. Car le docteur Lamort, comme l'a appelé un de vos confrères, ne se contentait pas d'expérimenter des armes mortelles. Il faisait aussi payer très cher ses petits secrets et ne dédaignait pas l'occasion de se livrer à de nombreux et fructueux trafics. Bon, enfin, n'allons pas trop vite. C'est plus fort que vous. Enfin, continuez. Bon, écoutez, un petit mot d'abord sur le personnage. Je dis bien petit mot, car on connaît très peu de choses sur l'homme lui-même. Et comme vous pouvez l'imaginer, Voltaire Basson a toujours fait en sorte de décourager les curieux. Ouais, pour protéger le secret de ses activités. Bah, naturellement. Ouais. Certains le disent fils d'une cantatrice. Ah bon, enfin, peu importe, c'est sa carrière qui nous intéresse. Authentique médecin, spécialisé en cardiologie, Basson a très vite intégré l'armée sud-africaine. Mais en même temps, il est devenu le médecin personnel du président Botha. Ce qui n'a pas dû nuire à sa carrière. Ça. C'est certain. Basson a gravi très vite les échelons de la hiérarchie militaire. Il a même accédé au grade de général. Mais il a surtout su se rendre indispensable. Et tout commence en 1977 par la publication d'un article d'un important scientifique sud-africain. Cet homme, après avoir passé en revue les différents agents chimiques à usage militaire, affirme qu'au terme du protocole de Genève signé en 1925, l'utilisation de telles armes par un gouvernement à l'intérieur de son propre pays n'est nullement interdite. Ah oui. Mais ce qui signifierait, enfin entre parenthèses, que Saddam Hussein, alors en gazant les Kurdes d'Al-Abja, n'aurait pas contrevenu à la Convention de Genève. Non, il aurait seulement commis un crime contre l'humanité. Oui. Bon, enfin, revenons à l'Afrique du Sud. Hein. Ce chimiste suggère donc aux autorités de l'apartheid qu'il aurait tout à fait possible de faire usage d'armes chimiques dans la lutte contre ce que l'on appelle là-bas le terrorisme. Oui, c'est-à-dire la lutte contre les militants anti-apartheid. Ouais, hein, contre les nationalistes namibiens, par exemple. Et cette idée va faire petit à petit son chemin. 2 ans plus tard, le président sud-africain Botha en discute avec son ministre de la Défense. L'Afrique du Sud a-t-elle intérêt à se doter d'armes chimiques et biologiques ? La bombe atomique des pauvres. Alors que, mais vous le savez, grâce à la France et surtout Israël, l'Afrique du Sud a fait de considérables progrès en matière nucléaire et sera bientôt en mesure de fabriquer sa première bombe. Enfin, passons. Si les dirigeants sud-africains pensent à ces armes, c'est que la situation de leur pays s'est aggravée. L'Afrique du Sud, à cause de sa politique d'apartheid, est de plus en plus isolée sur le plan international. Embargo, boycott. Oui, et elle mène une vraie guerre contre le Mozambique, l'Angola et les guérillas de la région. Guérillas soutenues d'ailleurs par l'URSS et le camp de l'Est. Ce qui d'ailleurs incitera les États-Unis, mais aussi d'autres nations occidentales comme la France et la Grande-Bretagne, à contourner l'embargo. Oui, mais ça, c'est à cause de la guerre froide. Bien sûr. Et également à cause de la situation géographique de l'Afrique du Sud. Une position éminemment stratégique, inutile d'insister. Quoi qu'il en soit, Botha et son ministre tranchent. L'Afrique du Sud va se lancer dans l'élaboration d'un programme de fabrication d'armes chimiques et biologiques. Et ça doit rester ultra secret. Nom de code de l'opération, Project Coast. Et la réalisation du programme est confiée aux forces de défense sud-africaines. Pour garantir sa confidentialité. Mais aussi son autonomie. Les civils ne doivent pas interférer dans l'opération. En tout cas, le docteur Voltaire Basson va être très vite mêlé à cette initiative. Oui, parce qu'il est médecin militaire, c'est ça. Et même en tant que principal architecte du projet, dont il devient officiellement le délégué avec le grade de lieutenant-colonel. Et pour faire son apprentissage, en quelque sorte, Basson s'envole pour les États-Unis afin de participer à une conférence sur les armes biochimiques, ce qui lui permet de rencontrer tout un tas de spécialistes états-uniens, britanniques et japonais. Oui, des rencontres, mais aussi du recueil d'informations. Bah, évidemment. Donc Basson ne rentre pas les mains vides. Et dès son retour, il s'attaque sérieusement au sujet. Il faut ajouter qu'on lui a donné carte blanche et alloué un très gros budget, 10 millions de dollars de l'époque, ce qui va lui permettre de recruter 200 collaborateurs. Oui, mais alors, attendez, là, est-ce que la mise sur pied d'un tel projet employant autant de monde peut passer inaperçu? Oui, si on crée toute une série de sociétés écrans qui permettent de masquer la finalité de l'opération. Et c'est ce que fait Basson, parce que l'Afrique du Sud, déjà mise au ban des nations, ne veut pas en plus être accusée de violer la Convention de Genève. Et pour mieux dissimuler leurs activités, ces sociétés écrans se livrent à de véritables actions commerciales. Et enfin, pour mieux camoufler la nature de leurs recherches, ces entreprises pourront toujours affirmer qu'elles ne fabriquent pas d'armes, mais seulement des contrepoisons. Ouais, ça, c'est toujours ce que prétendent les pays qui fabriquent des armes biochimiques. Hein. Saddam Hussein n'a pas procédé autrement. Saddam Hussein, mais aussi Israël et la plupart des grands pays producteurs d'armes de destruction massive. Mais alors, est-ce que ces armes sud-africaines, là, pour quoi faire et contre qui? C'est naturellement la grande question. Évidemment, il y a le voisin angolais avec lequel l'Afrique du Sud est en guerre. L'Angola qui est armée par l'URSS et qui, selon certains renseignements, pourrait avoir été dotée d'armes chimiques par son puissant allié soviétique. Mais c'est tout. Alors, effectivement, on peut s'interroger. Et on commencera à avoir un début de réponse beaucoup plus tard, lorsque Basson sera jugé et que les premiers témoins révéleront la vérité. La vérité sur ses travaux, les travaux de Basson. Là. Alors, à partir de ces tardives informations, essayons d'y voir plus clair. Et d'abord, chronologiquement. Dès la première année, un des établissements du projet, le laboratoire de Roderplatte, pas très loin de Pretoria, est chargé de développer un composé chimique capable de tuer sans laisser de traces. Ah oui, alors afin de simuler une mort naturelle. Absolument. Il s'agit donc d'un produit qui pourrait être utilisé pour perpétrer des assassinats ciblés. Tout à fait. Et ça va l'être ? Et bien entendu. Les victimes, alors ? Essentiellement des militants anti-apartheid, des membres de l'ANC. L'ANC, il faut le rappeler, c'est le parti de Mandela. Oui. Enfin, si vous voulez bien, on en reparlera. À la même époque, c'est-à-dire au tout début du programme Project Coast, Wouter Basson commence à travailler à l'élaboration d'une substance, une sorte de vaccin susceptible de stériliser les femmes noires. Car vous l'avez certainement compris, la finalité du programme, c'est au pays de l'apartheid de se débarrasser des noirs, d'un maximum de noirs. Ouais, et donc d'inverser une démographie trop favorable aux populations noires. Tout à fait. Ouais. Et notez-le bien, Basson et les siens ont eu des prédécesseurs en Afrique du Sud même. En Afrique du Sud, racontez là. À la fin du 19e siècle, la Namibie, qui demeurera rattachée à l'Afrique du Sud jusqu'en 1988, est alors colonisée par les Allemands. Et l'homme fort du pays, le gouverneur, c'est un certain Göring. Et quel rapport avec Hermann Göring, le compagnon d'Adolf Hitler ? C'est son père. Ah, ouais. Et sans plaisanter, on peut dire tel fils, tel père. Écoutez bien. Les peuples autochtones de la région sont expulsés de leurs terres, conduits dans des camps d'internement et traités en esclaves. Mais au début du XXe siècle, l'une de ces ethnies se révolte violemment et massacre quelques dizaines de colons. La réaction du colonisateur est particulièrement brutale. Les 4/5 de cette population sont exterminés, 60 000 personnes au total. Oui, ce qu'on appellera plus tard un génocide. En effet, les Allemands ont pris prétexte de cette révolte indigène pour réaliser leur dessein. Une colonie de peuplement exclusivement blanche. Et ils en profitent déjà pour se livrer à quelques expérimentations médicales sur les survivants. Exactement comme les nazis pratiqueront plus tard avec les juifs dans les camps d'extermination. Et ce n'est certainement pas par hasard si l'un des médecins qui est à l'origine de ces expériences, le docteur Fischer, aura plus tard, une fois revenu dans son pays, un illustre et sinistre élève, Joseph Mengele en personne. Yeah. France Inter, rendez-vous avec X. Monsieur X a évoqué l'isolement international de l'Afrique du Sud, mais cette mise à l'écart a-t-elle été efficace? Je lis ceci dans Géopolitique de l'Afrique du Sud, un petit livre très exhaustif publié par les éditions Complexes. Le bilan de ces sanctions n'est pas aisé à établir. En effet, la présence d'entreprises américaines et européennes procure des emplois qui ne sont pas comptabilisés officiellement, travaux ménagers, construction de logements, etc. Certes, le départ des firmes étrangères provoqua une hausse du chômage au sein de la communauté noire, mais ces sanctions internationales finirent par porter leurs fruits. Le désinvestissement et la fuite de capitaux ont précipité la crise de l'économie sud-africaine avec le départ d'un tiers des entreprises étrangères. Néanmoins, nombre d'entre elles ont été rachetées à vil prix par des industriels sud-africains ou bien ont continué à travailler en recourant à des prête-noms ou à partir de petits États voisins. À ces mesures économiques s'ajoutent des punitions symboliques, telles les sanctions sportives. Dès avril 1968, l'Afrique du Sud est exclue du Comité international olympique et ne peut plus participer aux Jeux olympiques. Ensuite, c'est la Fédération internationale de rugby qui met le pays à l'écart. Ce boycott sportif et culturel a surtout un impact psychologique. Les Sud-Africains ont été profondément affectés par leur exclusion des compétitions internationales qu'ils jugeaient injustes. Mais ces mesures leur ont permis de prendre conscience du regard réprobateur que portait l'Occident sur l'apartheid. Basson est donc le parfait continuateur du docteur Fischer et de ses colons allemands qui voulaient éliminer les populations indigènes. En cherchant le moyen de stériliser les femmes noires, hein, c'est bien ça. Et, mais pour lui et les autorités sud-africaines, il s'agit aussi d'éviter la dilution de la population blanche. Car les blancs, essentiellement les mâles, ont des rapports sexuels avec les noirs. En témoigne la présence dans le pays de très nombreux métis. Il faut donc sauvegarder la pureté de la race blanche. C'est clairement l'objectif poursuivi par le docteur Basson et ses collaborateurs du projet COAST, qui tentent de mettre au point ce vaccin stérilisateur pour femmes noires. Mais attendez, en dehors de l'aspect immoral, amoral du projet, là, ça me paraît aussi complètement fou. Enfin, comment vacciner ces millions de femmes? Basson, vous l'imaginez bien, y a pensé. Et il envisage très sérieusement de répandre cette substance dans les réserves d'eau publique ou encore dans certains biens de consommation, tels la bière ou le maïs. Et comme l'apartheid impose aux populations de vivre séparément en fonction de leur couleur de peau, il sera aisé de cibler les femmes noires. C'est diabolique, ça, hein ? Je suis d'accord avec vous. Mais je vous rassure, apparemment, Basson et ses acolytes n'ont pas réussi à produire ce fameux vaccin stérilisateur. Vous avez dit apparemment, ça. Oui, parce que je ne suis pas certain que le médecin ait livré tous ses secrets. En tout cas, toujours avec l'idée de se débarrasser du maximum de noirs, Basson a aussi tenté de créer une bactérie qui ne s'attaquerait qu'aux noirs. Un microbe raciste, en somme. C'est ça, oui, aussi dément que ça apparaisse. Mais là également, je vous rassure, Basson a échoué à créer sa bactérie raciste. Parce que les hommes, qu'ils soient noirs ou blancs de peau, sont égaux. Et que leur génome est le même. Donc une bactérie ne peut pas faire la différence, quoi. Bah, bien heureusement, oui. Mais ça n'a pas empêché quelques savants fous de fantasmer. Ces chercheurs-là, justement... Dont certains sont d'authentiques savants. Oui, mais alors pourquoi ces scientifiques acceptent-ils de participer à de tels travaux? Il y a plusieurs raisons. L'un d'eux, Dean Gossen, directeur du département recherche animale à la faculté de Pretoria, l'a bien expliqué. Il a avoué avoir été convaincu par Basson quand celui-ci lui a dit « Un jour, les Noirs prendront possession de ce pays. Que répondrons-nous plus tard à nos enfants lorsqu'ils nous demanderont ce que nous avons fait pour l'empêcher ?» Ouais, un argument purement raciste. Et qui porte, car les Blancs ont peur. Ils ont l'impression d'être cernés. Toutes ces anciennes colonies de l'Afrique australe qui s'émancipent et aussi ces guérillas marxistes de plus en plus menaçantes. Ouais, c'est le pouvoir blanc qui vacille, quoi. Oui, et puis il y a l'argument de l'anticommunisme. Les Sud-Africains, dans ces années 80, ont le sentiment d'être en première ligne. Ouais. C'est à la défense de l'Occident chrétien. Oui, contre ces pays et ces forces qui sont soutenues par Moscou. Alors oui, des savants comme Gossen sont ébranlés et acceptent de travailler dans cette usine de la mort, comme on a appelé le laboratoire secret de Rodeplate, Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que je les approuve, car la peur n'a jamais été un argument politique recevable, mais le pouvoir sud-africain en usait et abusait. Mmh. L'usine de la mort, il vous dit, hein ? Oui. Alors, dans l'impossibilité de trouver un vaccin anti-fécondité pour les femmes noires ou cette bactérie raciste, en quoi consistent les autres activités du docteur Basson à fabriquer des poisons, avez-vous dit ? Son laboratoire et ses sociétés écrans mettent en effet au point des substances mortelles. Des substances, mais aussi les vecteurs qui permettent de les administrer. Alors, voyons ça de plus près. Les produits, d'abord. Bon, ils sont multiples et variés. Il y a d'abord tous les poisons biologiques. Oui, les microbes et autres virus. Et Basson a réussi à obtenir des souches de la plupart des maladies mortelles. Anthrax, peste, choléra, gangrène gazeuse, enfin, j'en passe. Et alors, on est obligé de se poser la question. Hein. Le sida qui affecte une proportion notable de la population sud-africaine. La population essentiellement noire, oui. Eh bien, effectivement, Basson s'y est intéressé. On a même prétendu qu'il était à l'origine de la pandémie. Enfin, ça, c'est faux. Par contre, un employé de Rodeplate a révélé qu'un essai de lyophilisation du virus avait été tenté. Ouais. Alors, c'est bien que Basson avait pensé à se servir du sida. Oui, oui, j'y crois. Et c'est terrifiant. Parce que dans un pays où un habitant sur 10 est porteur du virus, l'utilisation du virus du sida serait passée inaperçue. Et si j'emploie à dessein le conditionnel ? C'est que je n'en sais pas plus. Pour une fois, cette franchise vous honore. Oh bon, je vous en prie. J'ai pour habitude de ne parler que de ce dont je suis sûr. Alors, poursuivons. Tenez, une parenthèse auparavant. Là. Comment Basson a-t-il pu se procurer toutes ces souches de maladies mortelles ? Le plus simplement du monde, en s'adressant aux organismes qui les conservent. Le Centre international des maladies infectieuses d'Atlanta, par exemple. Malgré l'embargo, alors ? Bien entendu. Peut-on refuser à un médecin honorablement connu de faire des recherches sur la production de vaccins ? Ouais, c'est toujours la même chose, quoi. Sous prétexte de procéder à des mesures défensives, on fabrique des substances offensives. Vous avez parfaitement compris. Alors, vous me permettez de poursuivre ? Allez-y. À côté de ces poisons biologiques, Basson et son équipe s'intéressent aussi aux armes chimiques. Je n'insiste pas, car en évoquant les armes de destruction massive de Saddam Hussein, j'ai détaillé les divers produits mortels ou incapacitants qui pouvaient être utilisés. Toutefois, je dois vous dire que Basson a innové. Il a en particulier inventé un redoutable poison. Quoi ? Une sorte de gel relaxant qui, appliqué sur un corps humain, finit par bloquer l'activité pulmonaire. Oui, la victime meurt asphyxiée ? Tout à fait. On n'en échappe pas. Mais c'est dans le domaine des vecteurs que l'équipe de Basson a fait preuve d'une grande ingéniosité. Ah, vous semblez admiratif, là. Bon, écoutez, n'exagérez pas. Cependant, il faut reconnaître que Basson s'est hissé à la hauteur des meilleurs, c'est-à-dire les spécialistes de l'ex-KGB. Ah oui, les inventeurs du fameux parapluie bulgare, à la pointe empoisonnée. Eh bien, Basson aussi a fabriqué un parapluie de ce style, dont la pointe était enduite d'un venin de serpent. Mais il n'en est pas resté là. Ses techniciens ont également mis au point un tournevis aux manches empoisonnées, des cigarettes au cyanure, des sous-vêtements imprégnés de produits toxiques, de la bière au thallium ou encore des lessives explosives. Basson a même imaginé des enveloppes piégées. Mais des enveloppes qui explosent, non ? Non, c'est autre chose. La gomme servant à fermer l'enveloppe était imprégnée de spores de la maladie du charbon. Quelle imagination. Sans limite, oui. Quand il s'agissait de tuer, Basson et les siens étaient particulièrement astucieux. Alors, est-ce que leurs gadgets mortels ont réellement tué ? Bien évidemment, ils ont tué. Des cobayes, d'abord. Des cobayes humains, vous voulez dire ? Oui. Après avoir testé ses produits sur des babouins, Basson est passé à l'expérimentation sur l'homme. Fait prisonnier par l'armée sud-africaine, les guerrieros de Zazwapo, le mouvement indépendantiste namibien, ont été parmi les premiers à tester in vivo ce gel relaxant dont je vous ai parlé. Puis leurs cadavres chargés dans un avion ont été ensuite largués en pleine mer. Et je suis sûr, malheureusement, qu'ils n'ont pas été les seuls à mourir ainsi. Est-ce qu'on a pu obtenir des preuves ? Oui. Des personnes impliquées dans Project Coast ont fini par parler. Des scientifiques, mais aussi des tueurs employés par Basson, comme ce Johan Théron, responsable de nombreux assassinats de militants anti-apartheid. C'est lui en particulier, qui a dénoncé l'expérimentation du gel relaxant sur les membres de la SWAPO. Et il a accusé nommément le docteur Basson ? Exactement. Selon lui, c'est le médecin qui a appliqué lui-même le poison sur le corps de ces malheureux. Enfin, dans cette lutte atroce contre les militants noirs, il était aussi fatal que Basson et ses sbires s'en prennent un jour au plus célèbre d'entre eux. Mandela, vous voulez dire ? Mandela, qui était alors emprisonné, et donc à la merci de ses ennemis. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le journaliste Tristan Mendès-France, après avoir réalisé un documentaire télévisé sur le docteur Lamort, a publié un ouvrage aux éditions Favre sur les activités de Wouter Basson. J'en extrais ces quelques lignes qui font froid dans le dos. Dès 1984, le docteur Schalk van Rensburg, un vétérinaire de renommée mondiale, rejoignit le RRL, laboratoire de Rotblat, et peaufina un programme approfondi d'études sur l'anthrax. À ce stade, le laboratoire avait déjà en sa possession des échantillons de peste, de choléra, de colibacille, de spathe, de fascite nécrosante, de ricine, de botulisme, du vecteur de la gangrène gazeuse, du noma ainsi que de l'Ebola, du Marburg et des virus Rift Valley. On rapporte que les scientifiques du Project Coast avaient développé des agents pathogènes encore inconnus sur la planète. Les responsables du projet sud-africain avaient ainsi pu se procurer, d'Union soviétique, des bactéries mangeuses de chair. Selon des sources confidentielles, en 1994, lorsque les Américains apprirent l'existence et l'obtention de cette bactérie, ils furent stupéfaits et diligentèrent une enquête qui n'arriva pas à percer le mystère. Qu'a-t-il été tenté contre Mandela ? En 1986, semble-t-il, la libération du leader de l'ANC semblait de plus en plus probable. Elle n'a pourtant été acquise qu'en 1990. C'est vrai. Mais dans le monde entier, de plus en plus de voix s'élevaient pour réclamer l'élargissement du plus vieux prisonnier politique du monde. Et il était clair qu'un jour ou l'autre, Pretoria devrait céder. Et c'est alors que Basson, en parfait accord avec les plus hautes autorités sud-africaines, imagina de s'en prendre à Mandela. Mais alors, de quelle façon, là ? Oh, certes, on libérerait Mandela, mais dans un drôle d'état. Ce qui signifie, c'est... Basson avait imaginé de lui faire ingérer régulièrement des petites doses de thallium. Dans ses aliments ? Par exemple, ou ses boissons. Cet empoisonnement progressif aurait entraîné une dégénérescence du cerveau. Et c'est un gâteux qui aurait finalement été libéré. Ouais, un gâteux est forcément un homme politique devenu inoffensif. Bah, bien entendu. Et alors, pourquoi les dirigeants sud-africains n'ont-ils pas réalisé ce plan machiavélique là ? Eh ben, encore une fois, je ne sais pas. Ont-ils eu peur de l'opinion internationale ? Ou bien ont-ils trop tardé à se décider ? Car il faut le rappeler, en 1989, Botha, l'homme de fer de l'apartheid, doit démissionner et céder la place à Frédéric de Klerk. Et peu à peu, la politique sud-africaine va évoluer jusqu'aux premières élections législatives multiraciales de 1994. Mais si Mandela a échappé au sort que Basson lui réservait, d'autres dirigeants ont été victimes du docteur Lamort. Par exemple ? Frank Chicken, ce pasteur était alors le secrétaire général du Conseil des Églises sud-africaines et cet ami de Desmond Tutu, le prix Nobel de la paix, était aussi un militant éminent de la cause noire. Donc un personnage qui gênait les autorités. Ah, d'autant plus qu'il était très populaire. Cet ecclésiastique est d'ailleurs aujourd'hui un des principaux collaborateurs du président Mbeki après avoir travaillé auprès de Mandela. En 1989, alors qu'il voyage en Namibie, il tombe gravement malade. Vomissements, douleurs musculaires, troubles respiratoires. Il est conduit à l'hôpital et après plusieurs jours, les symptômes s'estompent. Le révérend Chicken récupère ses bagages et prend l'avion pour les États-Unis, où sa femme, encore étudiante, se trouve. Mais dès son arrivée, il est à nouveau souffrant. Même symptôme ? Oui, mais c'est encore plus grave, car il sombre dans le coma pendant plusieurs jours. De nombreux médecins se penchent sur son cas, sans parvenir à identifier sa maladie. Toutefois, le révérend se rétablit de façon assez spectaculaire, et il est accueilli dans la maison du président de l'université où sa femme étudie. Et là, à nouveau, il doit être transporté à l'hôpital en toute urgence. Mais cette fois, le FBI, alerté, prend les choses en main et va découvrir le poteau rose. Mais comment alors ? Les policiers fédéraux observent que le révérend ne tombe malade que lorsqu'il porte ses propres vêtements. Ah oui, donc pas les vêtements de l'hôpital. Et il procède par conséquent à de minutieux examens de ses habits. Et il découvre alors que ses caleçons portent des traces d'une substance inodore et incolore, un violent poison qui agit par contact avec la peau. Il aurait donc dû mourir. À terme, certainement. Et s'il a survécu, c'est que ses assassins se sont trompés dans les doses. Mais quoi, pas assez de poison. C'est ça. Autre cas d'empoisonnement. Et celui-là a été fatal. La mort du président mozambicain Samora Machel. Un assassinat sur lequel on a appris très tard la vérité. Le Mozambique est alors dirigé par un gouvernement marxiste et son territoire sert de base arrière aux militants de l'ANC. C'est donc un ennemi naturel de l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et Pretoria entretient la lutte armée des ennemis de ce régime communiste. Donc, en 1986, Machel est victime d'un accident d'avion. Mais contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, il en échappe. Une équipe de secours sud-africaine arrive la première sur les lieux. Un médecin fait une piqûre au président mozambicain. Et peu de temps après, il succombe. Oui, poison. Bien sûr. À noter qu'un peu plus tard, ce médecin sera lui-même victime d'un curieux accident de la route et mourra à son tour. Ah oui, suppression d'un témoin gênant, c'est ça ? On peut l'imaginer, comme on peut imaginer que ce médecin ignorait peut-être que sa seringue contenait du poison. En tout cas, il est tout à fait probable que beaucoup d'autres opposants à l'étranger ou en Afrique du Sud ont été les victimes du docteur Basson. Oui, des morts prétendument naturelles. Hein. Et on ne saura jamais combien d'assassinats ont été ainsi perpétrés. Seul Votaire Basson pourrait lire. Il ne voit jamais. Lors de son procès, il a répondu dédaigneusement à toutes les questions. Et malgré les preuves et les nombreux témoignages, il a nié. Alors, parlez-moi un peu de ce procès-là. Donc, un petit peu de patience. Quand il arrive au pouvoir, le président de Klerk découvre le projet, Project Coast. Et il décide d'y mettre fin. Mais progressivement. Un démantèlement trop rapide risquerait de faire éclater le scandale. Depuis, le nouveau président n'a peut-être pas envie de contrarier trop vite les militaires. C'est probable. Basson reste donc en place et continue de travailler dans son laboratoire. Mais en 1992, au cours d'un voyage en Suisse, il est arrêté. Par la police suisse, donc. Et que lui reproche-t-on alors ? Le médecin aurait procédé à des ventes d'armes illégales sur le territoire helvétique. Mais après une entrevue avec le chef des services de renseignement, il est rapidement libéré. Et ça signifie quoi tout ça là ? Basson a fait beaucoup d'affaires en Suisse. Et certaines firmes ont noué d'excellentes relations avec lui. Ah oui, alors donc autant ne pas trop approfondir. Enfin oui, quoi qu'il en soit, cette arrestation offre un excellent prétexte à De Klerk. Quand il revient dans son pays, Basson est affecté d'office dans une unité de réserve de l'armée. Toutefois, il demeurera longtemps conseiller médical de cette même armée. Ça veut dire qu'on le traite avec beaucoup, beaucoup d'égards. En effet, car il sait beaucoup, beaucoup de choses. Il en sait d'ailleurs tellement qu'en 1994, juste avant l'arrivée au pouvoir de Mandela, la CIA suggérera au gouvernement sud-africain que la meilleure solution pour régler son cas serait de le faire disparaître. Oui, un assassinat. Oui. Ça veut dire aussi que les Américains craignent, eux aussi, ces révélations. C'est exact. Car en dépit de l'apartheid, on a longtemps considéré que Basson était un excellent soldat de la guerre froide. Et on n'a jamais hésité à lui donner un petit coup de main lorsqu'il le fallait. Alors même que les services états-uniens n'ignoraient rien de ses activités. Étonné. Ils savaient même que Basson se rendait souvent en Libye ou dans d'autres pays du Proche et du Moyen-Orient. Des voyages très surveillés, mais qui devaient permettre aux Américains de recueillir de très intéressantes informations. Ouais, il jouait un double jeu, quoi. Alors, j'en suis persuadé. D'un côté, il aidait Kadhafi, qui le payait grassement, et de l'autre, il tenait au courant la CIA de l'avancement du programme libyen de fabrication d'armes chimiques ou bactériologiques. En fait, je vais vite. Ce qui est étonnant, c'est que les nouvelles autorités sud-africaines le laissent tranquille. Oui, mais savent-elles la vérité ? Oui, parce que la commission Vérité et Réconciliation, présidée par Desmond Tutu, a été mise en place dès 1996. Et elle enregistre de nombreux témoignages accablants contre l'ancien régime et ses suppôts. Ainsi, celui de cet homme, Eugène de Kock, un membre important des forces de sécurité, accusé de 6 meurtres et plus de 80 autres crimes. De Kock, qui va mettre en lumière les procédés utilisés par le gouvernement de l'apartheid. Et donc la commission peut se faire une idée exacte des crimes commis. Et pourtant, Votaire Basson continue à couler des jours paisibles dans sa luxueuse villa. Enfin, quand je dis paisible, j'exagère un peu, car Basson sait qu'il peut être une cible. Cible pour qui ? Pour des services secrets avec lesquels il a collaboré très étroitement. Et les candidats sont nombreux. Cependant, il faut une histoire aussi banale que crapuleuse pour que la justice s'intéresse enfin à lui. Quoi ? Je crois vous l'avoir dit. Basson est un homme cupide. Et il fait fabriquer dans ses laboratoires des milliers de pilules d'extasie. Ouais, pour en faire le trafic. Bien sûr. Et il est pris en flagrant délit et emprisonné. Oui, il ne reste pas longtemps enfermé. Et écoutez bien, il est aussitôt recasé comme chirurgien dans un hôpital de Pretoria. Invraisemblable. Ouais. Toutefois, cette mésaventure l'a placé en pleine lumière. Et en 1998, il comparaît enfin devant la commission Vérité et Réconciliation. Mais il refuse de répondre aux questions. Ça lui vaut de comparaître devant la Haute Cour de justice l'année suivante. Un étrange procès qui va durer plus de 2 ans. Pourquoi étrange, là ? Parce que le juge est très prévenant, trop prévenant. Alors que des dizaines de charges très graves pèsent contre Basson, ce magistrat complaisant ne cesse de les déclarer nulles les unes après les autres. Et pourtant, les témoignages ne laissent pas la place au doute. Basson a vraiment été un docteur la mort, comme on l'a appelé. Mmh. Et le verdict, alors ? Ah ben, il n'est pas moins étonnant. Voltaire Basson est tout simplement acquitté. Et la Cour suprême confirmera ce jugement en appel. Le médecin obtiendra même d'être réintégré dans l'armée. Alors, pourquoi autant de mansuétude pour ce criminel notoire ? La question est difficile. On peut imaginer que les autorités sud-africaines ont été effrayées à l'idée de mettre à jour un torrent de boue. Un torrent qui aurait forcément éclaboussé de nombreux autres personnages du régime d'apartheid. Et il s'en serait suivi d'innombrables procès qui auraient encore accentué la fracture raciale. D'autant que la commission Vérité et Réconciliation avait été justement créée pour éviter les règlements de compte. Et dans la plupart des cas, il suffisait d'avouer pour être aussitôt pardonné. Oui, mais Basson, lui, n'a pas avoué. C'est vrai. On peut donc penser qu'il était sûr de bénéficier de l'impunité. Une impunité qui ne vaut que par les secrets de fabrication qu'il possède encore et qui intéresse beaucoup de monde. Sans compter que si le médecin s'était mis à table, cela aurait sans doute compliqué les relations de l'Afrique du Sud avec pas mal d'États. Alors, j'imagine que les autorités ont dû passer une sorte de marché avec lui, le silence contre l'impunité. Moi, je ne vois pas d'autre explication. Monsieur X a dit que Voltaire Basson n'avait jamais avoué. Ce n'est pas tout à fait exact. En 2002, tout de suite après son acquittement, le médecin accorde une interview à une chaîne de télévision privée et il déclare cyniquement, je le cite, « À ma connaissance, la plupart des cas d'empoisonnement étaient légitimes et il n'en a pas eu un seul pour lequel le poison a pu être clairement défini. » À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et même des programmes plus anciens. Et je dis merci à mes collaborateurs, Michel Billou, Rebecca de Nantes et Monsieur Djoub.